Nouveau survêtu sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherai en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherai en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survette. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survette? Il sort 12 survêtes. Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et tram. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoute des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherai en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana.